La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Antigone, c'est la case du week-end. En direct jusqu'à midi, à 2h d'émission, avec bien un très beau programme comme d'habitude. On va parler économie dans quelques instants. Direction l'Asie avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. On aura bien sûr les sorties cinéma qui arrivent dans 100 minutes environ. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien, les actus du numérique, l'éphéméride. Et puis, je vais dire bonjour aux deux membres de l'équipe qui m'accompagnent aujourd'hui. Bonjour Xavier et bonjour Matt. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Bonjour. Oh, et on vous entend bien aujourd'hui en plus, c'est parfait. Comment ça va? Oh bah ça va très bien, et vous-même, comment ça va? Oh bah ça va très bien aussi. Xavier, tu vas nous parler médias tout à l'heure, de quoi parleras-tu? On va commenter les audiences de la veille, je vais vous parler d'un accord de diffusion dans le milieu du podcast, de réseaux sociaux, et je vous parlerai aussi de Miss France, un changement dans les coulisses du show le plus célèbre de France. Très bien, merci Xavier, et à tout à l'heure donc à 10h51, si je ne m'abuse, c'est plus exactement, au bout de 3 ans je ne connais toujours pas le conducteur par cœur. Et Matt, eh bien, tu seras là pour les flashs, on est d'accord, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, actualité plutôt chargée quand même aujourd'hui, de rien, des élections législatives en Suède, un festival cinématographique à Venise. Ah, allô? Ah, j'ai perdu, on a perdu Matt. En tout cas, on va parler international lors des flashs. Prochain flash tout à l'heure à 10h30. Il y en aura un à 11h bien sûr et à 11h30. Niveau musique, nous allons écouter le temps de retrouver mes petits camarades. Sachez que nous écouterons dans quelques instants New Kid avec Better Day. Better Dish Naked. De quoi allons-nous... Qu'est-ce que nous allons écouter d'autre? Eh bien, nous écouterons dans quelques minutes Jérémy Frérot à la vie qu'on mène. Et on va essayer de retrouver Matt qui faisait une belle intro. Matt, est-ce que tu es là? Bah mince. Ah, alors c'est ma connexion qui a bugué, je comprends le problème. Pour une fois, c'est pas le câble, c'est tout simplement l'appareil. Je sais même pas si je suis encore à l'antenne, mais normalement oui. Ok, il y a clairement un problème qui vient de... Je ne sais où. Sachez qu'on écoutera également un classique musical dans cette émission. Le premier classique de cette émission est français, puisque ce sera Michel Delpech avec « Quand j'étais chanteur ». Je fais de la chaise longue, et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. Et on les a retrouvés normalement. Ah! On m'entend? Oui! Je vous entends! Ah, magnifique! Oui, je voulais juste vous dire que dans les flashs, on allait parler beaucoup d'international, en effet, comme tu l'as dit. Parce qu'on va parler des élections législatives en Suède, on va parler de la Mostra de Venise, on va parler de la guerre en Ukraine, et on va parler aussi un peu de France, notamment avec le The Event. Parfait, merci Matt, et à tout à l'heure dans une quinzaine de minutes. On part en musique dès maintenant, j'aurais même dû lancer l'intro, voilà, ça aurait pu être bien pour gagner un petit peu de temps. Les sorties cinéma arrivent dans un instant, je vous l'ai dit, il y aura aujourd'hui l'économie. Mais pour l'heure, et bien voici un extrait de l'album Blow de Jinsu, c'est Jet Sex. Non, Jet Sex, que l'on écoute tout de suite, c'est dur à prononcer, tiens. Here's the time for us to know the secret sky for us to go we never been before. Oh no, jumbo jet, just you and me, no parachute, the spotted free, guess it's time to go. Oh no, don't be shy, say goodbye, let's find out if heaven is a lie. Never let me go. Voilà, c'est la fin de la musique. C'était donc à l'instant Jinsu avec Jet Sex. Les sorties cinéma. Avec les films qui sortent ce mercredi, ce sera le 14 septembre. On commence avec le film Canaille, réalisé par Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia et Toria Tillier. Une comédie dramatique, qui raconte l'histoire d'Antoine, blessé à la jambe à la suite d'un casque qui a mal tourné et qui débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur à croiser la route de ce prof d'histoire sans histoire, justement. S'engage alors un étrange rapport entre les deux hommes, où se mêlent emprise et complicité, mais Lucie, une enquêtrice un peu spéciale, est chargée de l'affaire, et ça va énormément changer de choses. De mercredi, également au cinéma, une comédie musicale et de science-fiction réalisée par João Pedro Rodrigues, avec également João Rugueira de Mata, avec Maura Casta, André Cabral et Joël Branco, raconte l'histoire d'Alfredo sur son lit de mort, un roi sans couronne qui est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l'époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l'instructeur Afonso du corps de pompier ouvre un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le désir et à la volonté de changer le statu quo. Mercredi également au cinéma, et on terminera par ça pour cette première chronique ciné, le film Chronique d'une liaison passagère. Il est en salle ce mercredi donc. C'est de nouveau une comédie, cette fois dramatique. C'est un drame également. Un drame de Emmanuel Mouret et de Pierre Giraud avec Sandrine Kiberlin, Vincent Macaigne et Georgia Scalier, qui raconte l'histoire d'une mère célibataire et d'un homme marié qui deviennent amants, engagés à ne plus se voir que pour le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux. Ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. Voilà pour ces quelques sorties ciné qui reviennent tout à l'heure, juste avant midi. On complétera un petit peu cette liste de films qui sortent mercredi. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. Sur Radio Antigone, dans quelques instants, on parle économie. Mais pour l'instant, c'est Naked avec Better Day que l'on écoute. 10h20. Introverted, can't make friends. Pray for better days. Now it's 300K when my day ends. Do you remember last night? Cause I blacked out in an all-white dress with a back out. Said be careful with a heart cause it's fragile. And thinking about a past make a lash out. See with me, it ain't no worries at all. Any problem, I'll be there in one call. If we locked in, you my dog. If any of you hang pictures on my wall. Roll one, let's get high tonight. Backseat, Maybach, lavish life. Chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright. Naked, c'était Better Day sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. Et c'est comme tous les jours avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Bonjour à vous deux. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Un nouveau signe du rapprochement économique entre la Russie et la Chine. La société russe Gazprom a annoncé un nouvel accord avec une grande société chinoise d'hydrocarbures pour régler les factures en roubles ou en yuan. Moscou s'affranchit de plus en plus du dollar et pour le moment, c'est surtout la monnaie chinoise qui en bénéficie. Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine et depuis donc le début de l'application des sanctions occidentales, la Russie multiplie les accords bilatéraux avec les pays amis pour se passer du dollar. La livre turque, la roupie indienne, le dirham des Émirats arabes unis sont devenus des monnaies très appréciées dans les échanges entre la Russie et le reste du monde. Et surtout, le yuan chinois. C'est le grand gagnant de cette nouvelle donne monétaire. À la bourse de Moscou, les échanges en yuan ont explosé, passant de 1% en janvier, avant la guerre, à 20% aujourd'hui. C'est presque autant que le montant des transactions effectuées en euros sur cette bourse moscovite. La Russie est devenue le troisième plus grand usager du yuan pour le commerce international. 4% des achats transfrontaliers effectués en yuan hors de Chine, donc, sont le fait de la Russie, 6% du Royaume-Uni et presque 78% de Hong Kong. Dominique, vous nous parlez de nouvelles donnes monétaires. Est-ce que la monnaie chinoise est en passe de détrôner le roi dollar? Alors, cette montée en puissance du yuan au détriment du dollar est une tendance sensible depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai, elle est amplifiée par la Russie depuis qu'elle a entamé sa guerre contre l'Ukraine. En janvier, avant le déclenchement des hostilités, la Banque centrale russe était déjà le premier détenteur de yuan, avec un montant estimé à 100 milliards de dollars, ce qui représentait 17% de ses réserves. Moscou a cessé de publier ces chiffres, mais d'après l'agence Bloomberg, qui a pu consulter un document officiel russe, les réserves en yuan de la Banque centrale russe seraient aujourd'hui équivalentes à 180 milliards de dollars, presque le double donc par rapport à janvier. Elles sont amenées à croître. Les autorités russes envisagent d'acheter davantage de devises étrangères, surtout des yuan, pour faire baisser le rouble. Oui, car après s'être effondrée, la monnaie russe a rebondi très fortement. Oui, depuis le mois de mars, elle a regagné 40% face au dollar. Bon, elle est à nouveau en train de baisser depuis quelques semaines sous l'action de la Banque centrale. Une monnaie forte, en général, eh bien, cela reflète une économie robuste dans la Russie actuelle. Le redressement spectaculaire du rouble s'explique surtout par l'intervention de la Banque centrale. Elle a remonté fortement les taux d'intérêt et imposé le contrôle des capitaux à partir du mois de mars pour défendre la monnaie. Cette politique a trop bien marché. La remontée du rouble pénalise l'État. La conversion en rouble des revenus d'exportation du pétrole russe, une marchandise toujours cotée en dollars sur les marchés internationaux, baisse quand le rouble monte. Or, c'est aujourd'hui la principale source de revenus de l'État, d'où ce projet d'acheter massivement du yuan pour faire retomber la pression. Mais dans les conditions actuelles, ces achats se révèlent complexes à mettre en œuvre. Oui, car il ne faut pas oublier un facteur, c'est que la Chine, eh bien, n'est pas pressée de voir sa monnaie se répandre dans le monde entier. Elle a par exemple poliment refusé cette année un accord de swap de devises permettant de faciliter le commerce en yuan et en rouble entre les deux pays, un accord proposé par Moscou. Les récents accords annoncés, comme celui de Gazprom avec la China National Petroleum Corporation, une entreprise pétrolière appartenant à l'État, sont le fait de grandes sociétés, mais pas des autorités centrales. Pékin redoute évidemment d'être rattrapé par le gendarme américain. Les États-Unis sont encore son premier partenaire commercial. Pékin veut aussi garder la main haute sur sa monnaie, faciliter l'usage du yuan en Russie, c'est ouvrir une fenêtre pour les capitaux chinois vers l'étranger et c'est risquer de perdre le contrôle d'échange, pas vraiment dans l'état d'esprit de l'administration chinoise. Merci Dominique Bayard, aujourd'hui l'économie, chaque matin sur RFI. Et tous les week-ends sur Radio Antigone, merci beaucoup à vous deux. Dans une heure, c'est Marie-Pierre Olfant qui sera là pour nous parler d'un tout autre sujet. Voici Françoise Hardy avec Message personnel. Et il y a les mots que je ne dirai pas, tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime. Enfin, ils ont pris très bien, mais ils ont tout. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si la paresse de la vie s'installe en toi. Elle est déjà en moi, Françoise. Merci. C'était Message personnel. La radio à vif. Il est 10h30 sur Radio Antigone, Françoise Hardy bien sûr, je vous ai pas précisé. Dans quelques instants, les actus du numérique, l'éphéméride et les actus des médias. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Mais pour l'instant, eh bien, voici un point sur l'actu avec Mathieu. Bonjour Matt. Bonjour. Eh non. Excusez-moi, j'ai raté l'introduction. C'est pas grave. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Aujourd'hui ont lieu les élections législatives en Suède. Après 4 ans de gouvernement de gauche, l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans ce pays. En effet, pour la première fois en Suède, le parti de droite pourrait s'appuyer sur le parti nationaliste et anti-immigration des démocrates de Suède. À la Mostra de Venise, festival cinématographique, la française Alice Diop a été doublement récompensée. Son film Saint-Omer, une fiction sur une immigrée française qui est accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois en l'abandonnant sur une plage du nord de la France. Ce film d'Alice Diop a été récompensé hier du Grand Prix du jury et du prix du premier film à la Mostra de Venise. Le dernier réacteur encore en activité dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été arrêté ce matin, a annoncé l'opérateur ukrainien Energoatom. Il ne servait qu'à alimenter les besoins internes de la centrale. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les troupes ukrainiennes ont repris 2000 km de territoire. Les Russes annoncent un redéploiement de leurs troupes sur le front du sud de l'Ukraine. C'est le troisième et dernier jour pour le The Event 2022, grand marathon caritatif sur Twitch. Plus de 2,6 millions d'euros sont déjà récoltés pour 5 associations environnementales. L'année dernière, les compteurs avaient dépassé les 10 millions. Vous pouvez vous renseigner, regarder les streamers et faire des dons sur TheEvent.fr jusqu'à ce soir. Et côté météo, ce matin, il fait entre 9 et 19 degrés. Cet après-midi, pas mal de nuages menaçants dans le Grand Est, en Normandie et vers Rennes, où il fera 23 degrés. Il fera 20 à Paris, 21 à Strasbourg et Lille, 24 à Lyon et Limoges, jusqu'à 27 sur la côte méditerranéenne et 33 dans les Landes, des températures très chaudes. Merci beaucoup, Matt, et à tout à l'heure à 11h. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Vous êtes sur Radio Antigone, toujours. Dans un instant, Jérémy Frérot à la vie qu'on mène. Il y aura les actus du numérique, l'éphéméride et des actus des médias avec Xavier. Ah, qui est mute, donc il va pas me parler de toute façon. Ah, le voilà. Et des actualités médias. Comme d'habitude, on va commenter les audiences de la veille et on va parler d'accords de distribution dans le milieu du podcast. On va parler de réseaux sociaux et d'affaires politico-médiatiques. Et très bien, merci Xavier. Je t'ai pris de court, il faut dire. Hein, voilà. Oui. C'est ça. Voilà. J'ai parti dormir en fait. Ah oui. T'as bien de la chance, vraiment. De quoi allons-nous parler d'autre? Ah bah, il y aura un nouveau point sur l'actualité tout à l'heure à 11h. Merci beaucoup Mathieu, c'est toujours très, très pratique. Oui, j'essaie d'utiliser ton nom complet un petit peu comme tu m'avais dit. Voilà, mais je fais un peu le mélange des deux, je vais y arriver. Oh, c'est pas grave, hein. Tant que les auditeurs comprennent que nous sommes une seule et même personne, Matt et Mathieu. Bah bon, c'est l'essentiel. Une personne. Ouais, ouais. Prends quelque chose. À confirmer. On va écouter de la musique, bien sûr, sur Radio Antigone. On écoutera dans quelques instants Joël Corry avec Charlie XSX et Sawiti, toujours des noms de plus en plus compliqués, pour bien me faciliter la tâche sur l'anglais. Avec un petit air bien connu des Français qui nous rappelle celui de Stromae d'il y a quelques années. On écoutera, je vous le rappelle, un classique musical, Michel Delpech, quand j'étais chanteur. Je fais de la chaise longue, que j'ai une babysitter. Alors pas moi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais merci Michel, à tout à l'heure, on t'écoutera avant 11h. Voici tout de suite Jérémy Frérot avant de parler numérique. À la vie qu'on mène. J'étais l'enfant qui jouait dans les arbres. J'avais le temps, les cheveux en bataille. Y'avait le vent, y'avait le sable. Tout simplement la vie normale. Y'a les enfants de petits monstres. Et c'est marrant comme le temps passe vite. Il y a des gens assis à ma table. C'est maintenant la vie normale. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, à la vie qu'on mène. Pas le temps de se plaindre, on est costaud, même si je me couche tard. Je me lève tôt, à moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin. Les nuits à l'hôtel, les soirées des copains. Tu sais que tu me manques et t'es là quand je vacille. T'es mon moteur, mon bébé, ma famille. À moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes. T'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène. Et... tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. Simplement, je te ferai goûter à la vie qu'on mène. Tout simplement, je te ferai goûter à la vie qu'on mène. Tout simplement, à la vie qu'on mène. Il y aura des cœurs, du courage, du courage, des cris des amis de passage. Il y aura des cœurs, du courage, tout simplement, viens voir la vie en vrai. Tout simplement, relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, pas le temps de douter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement, je te ferai goûter. À la vie qu'on mène, tout simplement. C'était Jérémy Frérot sur Radio Antigone, à la vie qu'on mène. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Nous sommes partis. Je vous propose d'aller du côté d'Apple, puisque comme à chaque fois après eh bien, une keynote, une conférence Apple, eh bien, on fait un petit point sur ce qui a été annoncé. Et donc voici les petites nouveautés annoncées lors de la dernière conférence d'Apple qui s'est déroulée la semaine dernière, la conférence de rentrée donc. Et bien pour commencer, quelques produits avec la santé en ligne de mire, nous rappelle frandroid.com, avec une nouvelle montre, l'Apple Watch Ultra, une montre connectée conçue spécialement pour les adeptes de sport dans des conditions extrêmes. Et bien la montre sera parfaite, adapté à toutes ces conditions. Alors la conférence était justement basée sur la santé, d'où le fait d'avoir présenté cette montre qui a certaines fonctionnalités assez intéressantes. Hein. Tout d'abord, un boîtier en titane de 49 mm, oui. Un nouveau bouton pour des actions rapides, un haut-parleur, voilà, parce qu'il peut aussi écouter des choses grâce à sa montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, cette montre peut supporter des températures allant jusqu'à 55 degrés et jusqu'à moins 20 degrés. Donc, vous pouvez aller faire un trail dans le désert et puis également aller monter le Mont Blanc. Un GPS optimisé avec bifréquence combiné à de nouveaux algorithmes dédiés à la localisation. L'option boussole a également été améliorée. Vous avez une alarme qui est capable de produire un son de 86 décibels pour signaler votre présence à 180 mètres. Par contre, niveau prix, c'est pas bon. Hein. Clairement, niveau prix, il faut compter 1000 euros, ou plutôt 999 €, une autonomie de 60 heures, ce qui est pas mal. Hein. Mais ça coûte très très cher. Autre nouveauté qui a été annoncée, eh bien, Dynamic Island. Qu'est-ce que c'est Dynamic Island? Eh bien, très très bonne question. Je n'ai pas la réponse sous la main. Si, Dynamic Island, c'est une nouvelle interface, une nouvelle grammaire dans l'interface. À quoi ça sert? Eh bien, je ne sais plus. Voilà, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai perdu l'endroit où j'avais écrit. C'est pas grave. Et ben voilà, c'est très pratique. Un nouveau système de détection des accidents va être ajouté à la gamme iPhone 14 Pro, avec des nouvelles fonctionnalités de sécurité. L'accéléromètre est capable de détecter les accélérations en force G jusqu'à 256G. Et comme les nouveaux Huawei Mate 50 Pro, eh bien, vous avez 2 heures d'appel SOS d'urgence gratuit par satellite qui sont inclus pour pouvoir être toujours en communication possible avec les services d'urgence. Matt qui nous précise que Dynamic Island, c'est un nouveau système pour avoir la caméra frontale. Très bien. Merci Matt pour ces précisions. Vous voyez que j'ai très très bien préparé cette chronique. Chronique qui a déjà fait 3 minutes 30. Je vous propose qu'on reparle de toutes ces nouveautés un petit peu plus tard dans l'émission, dans une heure, lors de la deuxième chronique numérique de l'émission. Tous les week-ends, de 10h à midi, c'est la case du week-end. Avec le son, c'est plus pratique pour lancer le jingle. Dans quelques instants, l'éphéméride de ce 11 septembre 2022. Après Joël Corry, voici Out Out. Just watch me dance. Watch me dance. Ça ne s'est pas foulé au niveau de la mélodie. Joël Corry avec Out Out. L'éphéméride. Oui, je dénonce aujourd'hui. Je suis en forme. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2022. Sachez que c'est déjà le 254e jour de l'année. une machine à café derrière moi si jamais vous l'entendez, mais normalement le micro ne le prend pas. Non mais vas-y papa, c'est pas grave, on l'entend pas, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien c'est la Saint Adelphe aujourd'hui. Café du matin. La Saint Adelphine, oui, le café, bah oui, le café du matin pour se réveiller. C'est la Saint Jean-Gabriel, bonne fête également aux Vinciane, aux Vésiane, aux Vinciennes et aux Vinciennes. Pas forcément les prénoms qu'on a l'habitude de donner actuellement, hein. Voilà. Il y a quelques anniversaires de célébrités aujourd'hui. Oui. Qui commence ? Oui. Ouais. Vas-y, allez, je vais commencer. Kaigo. Kaigo, oui, Kaigo. Disque jockey, 41 ans. Hop, je t'ai coupé l'air sous le pied. Après, celui que je voulais prendre, je te déteste. C'est tout, il n'y a que ça. Vas-y, je t'écoute. Ok, c'est aussi l'anniversaire de Sandra Larue, la présentatrice météo de BFM TV. Bon, on la voit pas souvent, mais bon anniversaire quand même, Sandra. Et qui a fait Fort Boyard à une époque aussi. Ah ouais, c'est vrai. Elle était co-animatrice avant Anne-Gaëlle Richiaud. Voilà. Hein, c'est le moment. C'est l'anniversaire aussi de Serge Azanavicius. Voilà, le frère de Michel Azanavicius, qui est connu notamment pour les OSS 117, si je me trompe pas. Et qui a donc 59 ans aujourd'hui. Oui, le frère, hein, du coup, pas Michel, oui, son frère Serge, qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup. Et on peut terminer avec le chanteur Moby, qui est né en 1965 et qui fête donc ses 57 ans. Suite de l'éphéméride, avec quoi ? Eh bien, la journée mondiale, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le terrorisme, journée instaurée depuis 2008. C'est également la journée mondiale des grands-parents. Voilà, donc bonne journée à mes grands-parents. Voici quelques événements s'étant déroulés un 11 septembre. Il y en a qu'on connaît tous, mais il y en a d'autres que l'on ne connaît pas forcément. Ah, il y a encore l'anniversaire, Matt. Vas-y. Ah non, c'était une blague. On n'a pas fêté l'anniversaire de Pierre Gattaz, qui a 63 ans, le célèbre homme d'affaires, et si je me trompe pas, qui était au MEDEF. Voilà, Pierre Gattaz. Bon anniversaire. Voici donc quelques événements s'étant déroulés un 11 septembre. C'est un 11 septembre que s'est fondée l'Académie mexicaine de la langue. C'était en 1875 et c'est une institution culturelle, une institution culturelle du Mexique. De nombreuses personnalités littéraires illustres ont compté parmi ses rangs des grammariens, des philologues, des philosophes, des essayistes, des poètes, des historiens, des humanistes. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé comme événement ? Eh bien, en 2020, il y a eu d'énormes incendies un 11 septembre, c'était dans l'état d'Oregon, et plus de 500 000 personnes ont été évacuées, ont été appelées à se préparer pour une potentielle évacuation en raison d'incendies records sur la côte ouest. Pas beaucoup d'événements, hein. C'est néanmoins 11 septembre en 1978 qu'est sorti Starmania, l'album de Michel Berger et de Luc Plamadon. C'est également un 11 septembre qu'est sorti cette fois un film, L'Exorciste, le film de William Friedkin, sorti donc un 11 septembre, le 11 septembre 1974. Voilà pour cet éphéméride, et non, vous n'avez pas ruiné cet éphéméride, il était très très bien, ça c'est le genre d'éphéméride qu'on aime. Il est 19h48, oulala, il serait temps de se dépêcher Enzo, avec un classique musical tout de suite. Le classique de la case du week-end. Un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Voici en 1975, Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue. J'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte, un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais. j'étais comme une bête. Quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Les excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. J'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan. Aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Et c'était Michel Delpech sur Radio Antigone. Si vous nous écoutez, voilà Michel Delpech qu'on voulait, enfin c'était surtout Xavier qui voulait dédicacer cette chanson à Pierre Gattaz qui fête son anniversaire et qu'on dédicace aussi à tous les patrons du MEDEF. Bon anniversaire Pierrot, j'ai envoyé un petit SMS à Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Justement, Xavier, c'est toi que l'on retrouve pour les actus des médias. Et on commence cette chronique, comme d'habitude, avec les audiences de la veille. Hier soir, France 3 est arrivé en tête des audiences avec une rediffusion du téléfilm Meurtre à Granville. Il aura attiré 4,4 millions de téléspectateurs. La part d'audience est de 22,8%. À noter que lors de la première diffusion, le téléfilm avait attiré 6,36 millions de téléspectateurs. Mais ben, alors j'avais... qu'il était au plus... Pardon ? Alors qu'il était au plus bas la semaine dernière avec 3,33 millions de personnes derrière leur poste, The Voice Kids regagne des téléspectateurs. Les auditions à l'aveugle des jeunes chanteurs amateurs ont attiré 3,74 millions de téléspectateurs, ce qui représente 19,8% des téléspectateurs. La part de marché est de 31,4% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, principale cible commerciale. Il est de rigueur de rappeler que l'audience des chaînes du groupe TF1 est impactée depuis le vendredi 2 septembre, après la coupure du signal de ses chaînes par Canal+, dans ses offres et sur le service TNTSAT. France 2 est loin derrière avec son Big Show de Jarry, 1,44 million de téléspectateurs, ce qui représente une part d'audience de 8,1% du public. Le premier numéro de cette émission avait déjà déçu, rassemblant uniquement 1,84 million de téléspectateurs. Sur M6, démarrage difficile pour Zone Évasion, le magazine présenté par Ophélie Meunier a attiré seulement 1,10 million de téléspectateurs, ce qui représente 6% du public. À noter une part de marché de 11,12% sur les FRDA 50. Samedi dernier, le magazine Arnaque de Julien Courbet, en rediffusion, avait intéressé uniquement 982 000 téléspectateurs. Très bien Xavier, merci. Et donc France 3 en terminant en première des audiences, qui rattrape son audience de la veille, qui était catastrophique. Exactement. Comme je l'avais prédit d'ailleurs. Wouh, miracle! On va parler... je me jette des fleurs aujourd'hui, oui, oui, bien sûr. Ouais, on va parler maintenant d'un accord de distribution dans le milieu du podcast. En effet, il est question de Radio France. La Maison Ronde a signé un accord avec Amazon Music. Ces derniers ont annoncé mercredi avoir signé un accord pour rendre disponibles les podcasts du groupe public sur le service d'écoute du géant américain. La distribution de ces podcasts sera conforme à la chronologie instaurée par Radio France, indique dans un communiqué conjoint les deux parties. Cela signifie que seront en ligne pour 7 jours les émissions quotidiennes, 30 jours les programmes hebdomadaires. Enfin, les podcasts de lutte contre la désinformation seront disponibles pendant 3 mois. Cet accord s'ajoute à ceux déjà conclus par la Maison Ronde avec les plateformes Deezer et Spotify fin 2020. Et pour avoir les programmes bien dans un temps illimité, il faut avoir l'appli Radio France ou sur radiofrance.com. C'est des médias, mais une fois n'est pas coutume, tu vas aborder le sujet des réseaux sociaux, des médias sociaux, pardon, autrement dit des réseaux sociaux. En plus de cette d'Elisabeth II, il a généré un nombre record, celui du nombre de tweets par seconde. Les données de l'entreprise spécialisée VisiBrain montrent qu'un record de tweets simultanés a été franchi jusqu'à 1834 par seconde. La chaîne d'information BFM TV nous apprend qu'il s'agit d'un nombre historique, cela aurait généré 1,7 fois plus de tweets que la Coupe du Monde de 2018. En 24 heures, je cite, 20 428 838 tweets au sujet de la disparition de la monarque la plus célèbre du monde ont été publiés, comme l'explique VisiBrain. La méthode de calcul, il s'agit d'un total qui additionne les occurrences de plusieurs hashtags comme Elizabeth II, Queen Elizabeth ou encore London Bridge. Par contre, à noter que le tweet du compte officiel de la famille royale n'entre quant à lui pas dans le top tweet dans le top 30 des tweets les plus populaires de l'histoire du réseau, un message retweeté 950 000 fois et liké par 2,5 millions d'utilisateurs de Twitter. Ah oui, quand même, c'est pas mal. On termine cette chronique avec une affaire politico-médiatique. Plutôt une fausse affaire politico-médiatique. Garrido-Corbière, le couple de députés La France Insoumise avait été accusé à tort d'avoir employé une femme de ménage sans papier dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point, dans un article paru le 22 juin, mais retiré le lendemain. L'enquête accélère aujourd'hui dans le cadre de ces fausses accusations. Les investigations ont été confiées jeudi à un juge d'instruction qu'elle doit être présentée Rudy Sucard. Ce dernier était mis en garde à vue depuis mardi, un ex-collaborateur du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Ce dernier est quant à lui sorti libre de garde à vue. Le parquet de Paris a ouvert jeudi matin une information judiciaire, je cite, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d'identité ou de données personnelles et recel de vol. Je cite, Raquel Garrido sur BFM TV a dit « Je suis satisfaite que l'enquête avance, je rappelle que cette affaire dépasse très loin simplement la diffamation ou l'injure, il s'agit bien d'une atteinte au droit pénal. » Voilà ce que nous pouvons dire ce dimanche brièvement de cette affaire. Merci beaucoup Xavier pour tout cela. On te retrouve à 11h51 pour une nouvelle chronique média, on va parler de quoi ? En effet, je vous retrouve à 11h51 pour vous emmener dans les coulisses d'un changement à la tête d'un des shows télévisés les plus populaires de France, Miss France. À l'occasion de l'une des premières grosses interviews de Cindy Fabre et Alexia Laroche-Houbert dans C'est Médiatique, je vais vous raconter l'histoire du changement entre Sylvie Tellier et Cindy Fabre. Parfait. Eh bien, à tout à l'heure, Xavier. On retrouve Mathieu dans un instant pour le flash. Après The Cure, voici Close to Me. Just try to see in the dark. Just try to make it work. C'était The Cure, extrait de l'album The Head of the Door, Close to Me à l'instant. La radio à vif. Merci de nous écouter. L'archive pub dans quelques instants. Il y aura également le programme télé et aujourd'hui l'économie. Il est 11h. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Mais avant tout ce beau programme, un point sur l'actu avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Enzo, bonjour à toutes et tous. Sur le front de la guerre en Ukraine, les troupes ukrainiennes ont repris 2000 km de territoire selon Volodymyr Zelensky. Une avancée ukrainienne alors que l'armée russe a décidé de se redéployer sur le sud du territoire ukrainien. Le réacteur numéro 6 de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine a arrêté de fonctionner. C'était le dernier en activité dont le but était uniquement d'alimenter les besoins internes de la centrale. Au Royaume-Uni, 3 jours après le décès de la reine Elisabeth II, son cercueil a quitté le château de Balmoral en Écosse pour rejoindre la capitale du pays, Édimbourg. En Suède, les élections législatives ont lieu aujourd'hui. Si le gouvernement de gauche se dit confiant pour ces élections, la droite pourrait-elle s'appuyer pour la première fois sur le parti d'extrême droite nationaliste et anti-immigration ? À la Mostra de Venise, la cinéaste française Alice Diop a remporté le grand prix du jury et le prix du premier film. Son film Saint-Omer retrace le procès d'une mère immigrée accusée d'avoir tué son enfant de 15 mois en l'abandonnant sur une plage du nord de la France. En France, le The Event 2022, marathon caritatif sur Twitch, a récolté plus de 2,7 millions d'euros pour 5 associations environnementales. Hier soir, Alain Chabat avait rejoint les streamers de Montpellier pour co-animer une soirée de questions de culture générale à la sauce Burger Quiz. Pour plus d'informations, pour suivre les streamers et faire des dons, vous avez jusqu'à ce soir sur TheEvent.fr ou tout simplement sur Twitch. Pardon, un séisme aussi de magnitude 4,6 a frappé l'est de la France hier. En début de soirée, son épicentre est situé près de Mulhouse. On parle météo. À présent, ce matin, il fait entre 9 et 19 degrés, dont 11 à Paris et dans le centre, 14 à Dijon et Lille, 16 à Marseille comme à Nantes. Cet après-midi, pas mal de nuages menaçants dans le Grand Est, en Normandie et vers Rennes, où il fera 23 degrés. Il fera 20 à Paris, 21 à Strasbourg et à Lille, 24 à Lyon et Limoges, jusqu'à 27 sur la côte méditerranéenne et tenez-vous bien, jusqu'à 33 degrés dans les Landes, des températures très hautes quand même en ce 11 septembre. Merci beaucoup Matt et à tout à l'heure, 11h30 pour un nouveau flash. La tasse du week-end, Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Là, en effet, merci de nous écouter. Dans quelques instants, l'archive pub, il y aura le programme télé, bien sûr, et une chronique économique. Voilà, je vais trouver les mots. Nous parlerons également sport tout à l'heure à 11h45. De quoi allons-nous parler, Xavier ? Programme assez éclectique, on parlera de tennis, de basket, un peu de foot, on parlera de hockey sur glace aussi. Parfait, très très bien. Et puis encore après, ben, ce sera la chronique médiatique. Ah, je l'ai perdu. Allô ? Allô, ça y est. Allô, oui, c'est bon. Eh bien, je vous parlerai de Miss France, un sujet qui peut paraître anodin comme ça, mais il y a de gros enjeux derrière. Très bien, merci beaucoup Xavier. On écoutera de la musique avec dans quelques minutes la Swedish Mass. Je savais que j'allais bugger là-dessus. Je me suis dit, allez, tu vas y arriver. Non. La Swedish Oofs Mafia qui est revenue l'année dernière, eh bien, avec notamment The Weeknd. Mais là, c'est leur titre Mose to a Flame en duo justement avec The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd et la Swedish House Mafia. Oh, mais c'est pas possible. Bon, bref, qu'on écoutera tout à l'heure. Oui, on écoutera également. Et là, il m'entend pas. Vas-y, tu veux la faire? Si tu m'entends. Attends, je vais essayer. C'est Swedish House Mafia. Ouais, bravo. Mais le pire, c'est que j'ai réussi aux réémissions, j'ai réussi à les prononcer, et là non. On va faire le concours tout à l'heure, c'est Xavier qui essaiera de les prononcer. On écoutera également Yann Dior avec Let You. Là, j'arrive un peu mieux à prononcer. Et on écoutera aussi un classique musique. Je crois que c'est pas le bon extrait, hein. Ouais, je dois avoir un problème d'extrait, c'est pas le bon extrait, il me semble. Bon, c'est pas grave, j'ai été déconcentré aussi. On écoutera en classique musical tout à l'heure, juste avant midi, eh bien, les Rolling Stones avec Anybody Seen My Baby. Voilà, c'est pas mal. Je vous propose qu'on parte tout de suite vers la petite archive pub avant le Musicator de Mine qui nous emmènera sur la radio Scala FM dans quelques minutes. L'archive pub. Avec ce beau jingle d'Antenne 2. Alors, vous le savez, j'aime bien l'année 1987. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste que là-bas, on trouve de belles publicités. Normalement, certaines publicités chantées qu'on a pu découvrir, notamment, c'était le cas pour le Sieur, on a eu d'autres. Bref, c'est en tout cas les années des publicités chantées, très bien chantées d'ailleurs, qu'on adore. Je vous propose donc de continuer sur notre lancée avec une autre publicité dans la lignée de celle de Friskies, Vivelle, etc. CF Jockey et le Sieur qu'on a pu écouter jusque-là sur le même extrait. Je vous propose qu'on part donc en 1987 avec cette publicité que vous allez découvrir. Vous allez voir, elle est plutôt sympathique. Gary, ne partez pas. Restez. Je vous aime. Oh non, elle va me faire rater le jour le plus long. Mais ce que Gary ignore, c'est que Glenda utilise très près fluor, double effet qui protège les dents et rafraîchit la laine en même temps, irrésistiblement. Décidément, on ne résiste pas à la fraîcheur de très près fluor. Bonsoir. Voilà. Ça vous va comme pub, c'est sympa, oui, nous, vous en pensez quoi, les garçons? C'est original, j'ai envie de dire. Hein, original, hein, très très fluor, donc le truc bien mauvais pour la santé, hein, d'ailleurs. Et figurez-vous que je trouve même pas d'infos concernant très très fluor, en fait, j'arrive pas à retrouver que ça existe encore. J'ai rien trouvé. Il faudrait que je puisse faire une recherche approfondie. Donc je ne sais même pas qui commercialisait ça. Je sais pas. Voilà, en tout cas, ça s'appelait très très fluor, sûrement dentifrice, j'imagine. Voilà. C'est tout pour cette archive pub qui était décidément extrêmement rapide. Je vous propose qu'on parte du côté du Musicator 2000, du coup, voilà, une belle radio dont j'ai les jingles après à vous diffuser. On va partir du côté de Scala FM tout de suite. Si ça démarre, ce qui n'est pas le cas. Ah, parce que j'ai pas le jingle du Musicator 2000. Ah ah ah ah ah, ça faisait longtemps ça. C'est parti, le Musicator 2000. Le Musicator 2000. 2000. Ouh. Wow. C'est très bien ça. Je vais vous engager pour rechanter le jingle, je crois. Oh non, au secours. Ah si. Ah bah si. Là, c'est sûr, je vais le faire. Parce que là, c'était beau quand même. Ah voilà, pourquoi je ne retrouve pas Scala FM, c'est parce que c'est avec un K et pas un C. Voilà. Alors, je vous rappelle le principe du Musicator 2000, on va au hasard sur une radio d'un autre pays et puis on écoute la musique diffusée actuellement sur cette radio, sur Scala FM, une radio qui est dans un pays dont je vous dirai la nationalité tout à l'heure, diffuse actuellement Julia Michaels, une artiste diffusée en France sur quelques radios, mais un titre que je ne crois pas avoir entendu. Il s'agit du titre Issue. Et je vous propose qu'on l'écoute tout simplement dès maintenant sur Radio Antigone. Un petit instant, le temps de vous le mettre à l'antenne. Voilà, et on est parti pour Julia Michaels avec donc Issue qu'on écoute tout de suite sur Radio Antigone. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose, you get mad and you break things, feel bad, try to fix things. You're perfect, poorly wired circuit, and got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all. C'était Julia Michaels sur Radio Antigone avec Issue, le Musicator 2000. C'était actuellement la musique diffusée sur la radio. Scala FM, oui, Merbido, en effet. Une radio du sud du Danemark. Voilà, pour info. Voilà. Et qui a quelques jingles que vous pouvez entendre en France d'ailleurs. Si vous avez de la chance sur certaines radios. Il est 11h14. Je vous propose qu'on passe au programme télé. Radio Antigone, Phil FM. Le programme TV. Est-ce que vous avez des petits programmes à nous proposer, Mathieu et Xavier? Oh oui. Alors moi j'en ai un, mais c'est pas diffusé ce soir. C'est diffusé d'ici, alors si je fais bien mes calculs, 2h15. C'est médiatique. Vous en avez entendu parler. Oui, Xavier nous en a parlé hier en fin d'émission. Ouais. Et voilà. Mais du coup, je suppose qu'il a déjà tout dit, mais c'est la nouvelle émission médiatique, je répète au cas où, c'est la nouvelle émission médiatique de France 5, présentée par Mélanie Taravant, avec notamment Julien Pin, journaliste à France Info, qui s'occupe de la cellule de fact-checking, vrai ou fake. Rédacteur en chef, d'ailleurs. Et voilà. Rédacteur en chef de l'émission? Non, de France Info, il n'est pas que journaliste de France Info. Ah, tu m'apprends quelque chose. Moi, je savais qu'il était journaliste et qu'il s'occupait de... Ouais, mais je ne savais pas qu'il était un rédacteur en chef. Enfin, bref. Vous dites assurant. Et du coup, c'est... non, mais, et du coup, voilà, c'est la nouvelle émission médiatique de France 5 qui m'a l'air très intéressante. On verra bien aujourd'hui à 13h30 sur France 5. Voilà. Très bien. Merci, Mathieu. Xavier, as-tu un programme? En télé de ce soir, c'est un reportage diffusé à 20h55 sur France 5 qui se nomme Afghanistan, le prix de la paix. C'est la première diffusion de ce documentaire de 1h30 réalisé par Claire Billet. Ce reportage, ça retrace un pays qui a été touché pendant 20 ans de guerre dans laquelle les USA ont investi 2300 milliards d'euros. Cette guerre a causé 170 000 décès. Tout ça pour revenir en arrière le 15 août 2001, le jour où les talibans reprennent le pouvoir. Bref, c'est un documentaire, Afghanistan, le prix de la paix, à retrouver ce soir, 20h55 sur France 5. Merci beaucoup, Xavier. Voici les autres programmes, notamment ceux qui sont inédits ce soir à la télévision, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Sur TF1 à 21h10, Greenland, le dernier refuge, un film de Rick Roman Wall sorti en 2020, un film catastrophe. Il y aura quoi d'autre? Eh bien, le film inédit Adieu les cons, qui est diffusé à la télévision, première diffusion, Albert Dupontel, film sorti en 2020. Ce soir, il y a également un inédit des enquêtes de Vera, à vol d'oiseau, c'est le nom de l'épisode diffusé à partir de 21h05. Sur Canal+, la deuxième journée de top 14 de rugby, Toulouse affronte Toulon à 21h05. France 5, on en a parlé avec Xavier. Sur M6, un nouveau numéro inédit de Capital. Budget course, enquête sur les bons plans anti-inflation. C'est à partir de 21h10 et c'est suivi d'un numéro inédit d'enquête exclusive qui va également en Afghanistan, qui nous parle des soldats morts en Afghanistan. Sur Arte, pardon, le film Sicario à 20h55. Sur C8, le film inédit Coup de foudre à 21h09. Sur W9, The Queen, c'est à 21h05. Sur TMC, Balthazar à 21h05, la série télé. Sur TFX, le plus beau métier du monde, c'est un film. Sur NRJ12, Héritage, avec une programmation spéciale consacrée à Elisabeth II. Elisabeth II, une reine d'exception. Et à 22h45, notre numéro lié au précédent, Meghan et Harry, le couple rebelle défie la reine. Sur LCP Public Sénat, à 21h, comme tous les dimanches, il y a Rambobina. Sur Culture Box, est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? Voilà, alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce une pièce de théâtre? Eh bien non, c'est une comédie musicale que vous allez pouvoir retrouver sur Culture Box, canal 14 de la TNT ce soir. Sur ses stars à 21h05, Chicago Fire avec plusieurs numéros inédits. Gulli vous propose des rediffusions de Malcolm à partir de 21h05. Sur TF1 série film, le film Vol 93. La chaîne L'Équipe vous propose la finale des championnats du monde de volleyball. On en reparlera très certainement dans les accus du sport de Xavier tout à l'heure. Sur Sister, braquage à l'italienne à 21h05. Sur RMC Story, faites entrer l'accusé, c'est à 21h05. Et on parle de la folle cavale de Lionel Cardon. Pardon. Sur RMC Découverte à 21h05, Australie, la rue est vers l'or. Et puis on termine avec Chérie 25 qui rediffuse toute cette soirée des petits meurtres d'Agatha Christie. Voilà pour votre programme télé. N'oubliez pas qu'il y a d'excellents programmes à la radio que vous pouvez retrouver soit en direct, soit en podcast sur Radio Antigone et sur toutes les autres radios, bien sûr. Le jingle ne démarre pas, je voulais faire un truc bien fluide avec le jingle. Et ben il m'a dit non Enzo, non non non. 10h midi, la case du week-end. Jingle aime bien me dire des non et non et non. Dans quelques instants, on parle économie avec Marie-Pierre Olfan. Après Yann Dior, voici Let You, il est 11h19. This time I know, I know, I know. There's no looking back, it's all in the past. I'll let you go, you'll go, you'll go. The love that we had is making me sad, you keep saying. You hate me. I'll let you go, you'll go, you'll go. The love that we had is making me sad. hand me out. They say a girl is a gun, but don't tempt me, cause I'm taking a chance. Put the gun in my hands, playing Russian roulette till she's empty. No, no, I don't wanna die young. Don't wanna die young and hopeless. So, so, if I'm gonna die young, just in case I die young, I wrote this. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know, I know. But she caught me on my blind side. You know it's true, I'm fucked up too. But you know I'm always coming back for you. Cause every time I see you, make me wanna rewind. Love wins out, so I'm throwing up a peace sign. You know it's true, I'm bad for you. That's just some shit that I've been going through. All these changes, fuck it, don't make me play this. Break up, make up, and we do it again. This time I know. Aujourd'hui, l'économie. Que nous venons d'écouter Yann Dior avec Let You. C'est aujourd'hui l'économie. Nous retrouvons Marie-Pierre Olfan. Bonjour Marie-Pierre. Nous allons parler de noix de cajou puisque les transformateurs indiens et vietnamiens de noix de cajou brutes ont trop de stock et n'achètent plus. Une très mauvaise nouvelle donc pour les producteurs d'Afrique de l'Est qui commencent leur récolte. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour les producteurs malgaches qui ont débuté leur récolte, mais aussi pour ceux de Tanzanie et du Mozambique qui commenceront en octobre. L'essentiel de leur production part à l'export. Or, les deux principaux transformateurs, que sont le Vietnam et l'Inde, ont considérablement ralenti leurs importations de noix brutes ces derniers mois, et rares sont les nouveaux contrats d'achat signés aujourd'hui. Une situation qui s'explique par le fait qu'actuellement, le prix de la noix décortiquée est trop bas sur le marché mondial. Pour les usines vietnamiennes, la transformation n'est plus rentable et plus d'un tiers de ces usines auraient fermé leurs portes, certaines depuis même 5 à 6 mois. Des débrayages aussi prolongés à cette période de l'année, c'est du jamais vu, confie un expert. Le plus étonnant, c'est que malgré ces fermetures qui durent, les prix ne remontent pas. L'explication est double, la demande mondiale connaît un fort ralentissement et l'offre n'a pas diminué, car les Vietnamiens ont manifestement fait tellement de stocks l'année dernière qu'ils continuent de mettre des amandes de cajou sur le marché. Cette situation de suroffre pèse de plus en plus sur les producteurs africains. Le dernier quart de la production ouest-africaine n'a toujours pas trouvé preneur et la récolte des pays d'Afrique de l'Est qui ne fait que commencer va venir rajouter du volume à une offre déjà pléthorique. La campagne est-africaine s'annonce donc très difficile, pour ne pas dire catastrophique selon un de nos interlocuteurs, avec des prix qui pourraient rester très bas encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La transformation locale pourrait être sur le papier une voie de sortie pour les noix brutes nouvellement récoltées, mais elle n'est pas assez développée et même en baisse chez les deux gros fournisseurs de cajou d'Afrique de l'Est, le Mozambique et la Tanzanie. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et on reste avec vous Marie-Pierre, puisque eh bien le plus grand pourvoyeur d'arabica au monde va mal, et d'ailleurs les volumes de production ne sont pas au rendez-vous, les prix s'envolent. Dans le milieu du café, on parle de choc de production, et des chocs comme celui que traverse actuellement la filière, on les compte sur les doigts d'une main. Le dernier date des années 2007-2008, mais c'est la première fois depuis les années 90 que le Brésil, qui assure 40% de la production mondiale, est concerné au premier chef. En cause, trois gelées consécutives dans le pays en juin 2021. Résultat, la campagne brésilienne qui se termine s'est distinguée par une production très basse et la prochaine s'annonce moins bonne qu'anticipée en raison de l'impact des gelées et de conditions très sèches ces derniers mois. Si le Robusta n'a pas été affecté et affiche de très bons volumes, l'Arabica est en revanche très touchée. Le besoin d'Arabica est tel que le prix pour une commande à court terme, livrée en décembre, est plus élevé que celui d'un café à livrer au mois de mars, alors que c'est normalement l'inverse. Aujourd'hui, la structure du marché ne permet plus de financer le stockage, explique un de nos interlocuteurs. La difficulté, c'est que ce manque d'Arabica au Brésil n'est pas compensé par d'autres volumes qui auraient pu rendre le marché plus confortable. Tous les pays d'Amérique centrale ont eu pour cette campagne eux aussi des cycles productifs en deçà des attentes. La déception pourrait ne pas s'arrêter là. Le cycle 2023-2024 au Brésil, que certains anticipaient comme relativement bon, risque de ne pas être à la hauteur si la floraison qui débute n'est pas suivie d'une bonne pluviométrie. Si la pluie est au rendez-vous, le marché pourra se détendre, mais un temps trop sec, au contraire, continuerait de soutenir un peu plus les prix. Merci beaucoup Marie-Pierre Olfan pour tous ces détails. On revient dans un instant avec le flash de Mathieu après Franz Ferdinand. Take me out. So if you're lonely. Radio Antigone, c'était Franz Ferdinand avec Take Me Out. La radio à vif. Il est 11h30 tout pile sur Radio Antigone. Merci de nous écouter. Les actus du numérique, les actus du sport et les actus des médias arrivent. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Et juste, hein, dites donc. Ce qui est juste aussi, eh bien, c'est que c'est l'heure de du flash. Et le flash à 11h30, c'est avec Mathieu, bonjour. Lorenzo, bonjour à toutes et tous. Le dernier réacteur encore en activité dans la centrale nucléaire de Zaporijjia a été arrêté ce matin, a annoncé l'opérateur ukrainien Energoatom. Il ne servait qu'à alimenter les besoins internes de la centrale. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les troupes ukrainiennes ont repris 2000 km de territoire. Les Russes annoncent eux un redéploiement de leurs troupes sur le front sud de l'Ukraine. Excusez-moi. À la Mostra de Venise, festival cinématographique, la Française Alice Diop a été doublement récompensée. Son film Saint-Omer est une fiction sur une immigrée française accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois en l'abandonnant sur une plage du nord de la France. Ce film d'Alice Diop a donc été récompensé hier du Grand Prix du jury et du prix du premier film de la Mostra de Venise. Aujourd'hui ont lieu les élections législatives en Suède. Après 4 ans de gouvernement de gauche, l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans ce pays. En effet, le parti de droite pourrait s'appuyer pour la première fois sur le parti nationaliste et anti-immigration des démocrates de Suède. C'est le troisième et dernier jour pour le The Event Grand Marathon Caritatif sur Twitch. Actuellement, 2 751 930 euros ont été récoltés pour 5 associations environnementales. L'année dernière, les compteurs avaient dépassé les 10 millions dimanche soir et vous pouvez vous renseigner, regarder les streamers et faire des dons jusqu'à ce soir sur TheEvent.fr. Et puis, côté météo, ce matin, il fait entre 9 et 19 degrés. Cet après-midi, pas mal de nuages menaçants dans le Grand Est. En Normandie et vers Rennes, où il fera 23 degrés, il en fera 20 à Paris, 21 à Strasbourg et Lille, 24 à Lyon et Limoges, et jusqu'à 27 degrés sur la côte méditerranéenne, et quand même, 33 degrés dans les Landes. Beaucoup Mathieu et bien à très très bientôt pour de nouveaux flashs sur Radio Antigone. Mais tu restes avec nous je pense un petit peu, voilà. Oui bien sûr, ah, bien on sûr. Va parler un petit peu juste après le petit générique. La tasse du week-end, Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Elle est là, la case du week-end, en effet. Et elle est bien chargée cette dernière demi-heure, comme à chaque fois. Hein. On va parler numérique dans quelques minutes. On parlera sport avec Xavier. On va parler de quoi ? Du mondial de volley-ball, du classement des bleus à l'euro de water-polo, et on prendra des nouvelles de l'euro masculin de basket. Merci beaucoup Xavier, et à tout à l'heure. Bah, reste avec nous, puisque après les actus du sport, on parlera médias, justement, aussi. Décidément. Oui, on parlera. Un changement à la tête de Miss France, un des shows les plus populaires de France. Très bien. Dois-je comprendre que c'est quelque chose qui commence par Miss et qui se termine par France ? Oui, exactement. Miss France, ouais. Bien deviné. Très bien. Eh bien, on écoutera de la musique aussi avec cette reprise de Message in a Bottle par Color Blast. On aime ou on n'aime pas, voilà, c'est le choix à faire. Vous en pensez quoi de cette reprise? Ah ouais, donc là j'ai vraiment trois personnes autour de moi qui chantent, hein. Vous deux, plus mon papa, c'est très bien. Je vous ai tous perdu là, exactement. Vous en pensez quoi cette reprise? Ah, moi j'aime bien. Mais ce serait mieux si on faisait une reprise, nous, on rechantait. Ah bah on je me désolidarise de ses propos. Ouais. Bien sûr. Ah, quand il s'agit de faire chanter Xavier aux antennes, ça y va. Mais par contre, j'ai jamais fait ça. Je veux détruire ma carrière de chanteur, je le sais. Alors, on écoutera également les Rolling Stones. Pardon. Anybody Seen My Baby, ou pour Xavier, Anybody Seen My Career. Allez, je vous propose qu'on passe directement à la suite, on écoutera ça avant midi. Voici Feu Chatterton tout de suite avec Souvenir, on se retrouve juste après pour parler numérique. J'aime ta peau dorée, toi qui me donnais tout, de ta main délivrée. J'aime la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois sont passés, les saisons. Mais moi, je suis resté le même, qui aime, qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps. Quel est cet endroit où dans l'ombre confuse les démons et les anges se mélangent? Ah, je te rejoins dans cette brume épaisse. Le tabac, le bon joint obscurcissent. Alors je pleure ton nom. Oui, je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Et moi, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui espère connaître la fin de l'hiver. Nous ne nous reverrons plus sur terre, ni le poème, le passe finir plus vite qu'on ne pense. Bonjour, c'est la case du week-end qui continue. Nous venons d'écouter Souvenir, c'était Feu Chatterton. Il est 11h38. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très bien. Parfait. Comme promis, on retourne du côté de chez Apple qui, cette semaine, a présenté eh bien, de nouveaux produits avec une nouvelle keynote. Et je vous parle cette fois-ci d'un écran spécial, le Always On, qu'on connaît bien chez Android, hein, avec le, chez Android Samsung, le Always On Display, par exemple. Un écran noir lorsque votre téléphone est en veille, notamment, qui vous permet par néanmoins d'avoir les informations principales comme l'heure ou autre. C'est un écran, on va dire, voilà, de veille. Une fonctionnalité qui consomme de la batterie, mais eh bien avec des dalles OLED, bénéficie d'un atout essentiel, puisque quand les pixels affichent du noir, eh bien avec les OLED, pendant que j'écrase un moustique, je vais pas y arriver, quand les dalles, eh bien quand leurs pixels affichent du noir, eh bien elles sont tout simplement éteintes, contrairement à d'autres technologies où les pixels en noir eh bien sont quand même allumés pour afficher du noir. Donc il y a une vraie limitation de la consommation d'énergie, notamment sûrement 3%. Et l'iPhone, les prochains iPhone, vont permettre d'intégrer cette technologie Always On, c'est le nom qu'a donné Apple. Alors bien sûr, il est un petit peu modifié, notamment puisque pour permettre d'économiser encore plus de batterie lorsque vous êtes sur ce mode, qui vous permet d'afficher l'heure et potentiellement si vous avez reçu un message ou non, la fréquence de le taux de rafraîchissement pourrait descendre jusqu'à 1 Hz, c'est-à-dire une image par seconde. Alors, horrible pour utiliser le téléphone, mais pour le Always On, où le but n'est pas de l'utiliser mais tout simplement de jeter un œil, étant donné que les minutes, l'heure des minutes, le chiffre des minutes ne change pas toutes les secondes, eh bien c'est ultra pratique puisque ça ne mettra à jour que toutes les secondes, et dans ce cas-là, eh bien vous gagnez énormément de performance hein, quand on est à 1 Hz, donc vous pouvez facilement afficher des informations que vous voulez tout simplement lire. Vous pouvez consulter la météo, les informations de calendrier, et ça fonctionne avec n'importe quel fond d'écran que vous utilisez. Ça fonctionnera avec n'importe quel fond d'écran du côté de chez Apple. Par contre, il y a quelques différences hein, par rapport à Android. Chez Android, c'est un petit peu limité. Chez Apple, c'est exactement le même écran que habituellement. Voilà, sauf que tout est obscurci, la luminosité est réduite, tout comme je vous l'ai dit, le taux de rafraîchissement, et vous pouvez, bien sûr, sinon ça aurait été dommage, personnaliser les informations affichées. Voilà pour cette chronique numérique. 10h midi, la tasse du week-end. Dans un instant, on retrouve Xavier pour les sports, mais pour l'instant, voici une reprise de Message in a Bottle. Ce n'est pas The Police, mais bien Color Blast, que l'on écoute tout de suite. Radio Antigone, c'était Color Blast avec Message in a Bottle. Les actus du sport. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas donné mais les lancements. Du coup, je vais me lancer tout seul. Oh, bah, oui, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Eh bah, les sports, oui, justement, avec Xavier, que l'on vient d'entendre, on y va. Et donc, l'événement, ce soir. Oups. L'événement ce soir, c'est donc la finale du mondial de volleyball. En effet, samedi, les Italiens ont impressionné en battant à plate couture la Slovénie 3-0 en demi-finale. Ils rejoignent donc les Polonais en finale, ces derniers ayant gagné leur place en demi-finale face au Brésil. Les Italiens avaient battu la France en quart de finale. Cette finale du mondial de volleyball est donc sur à 21h. À noter que le match se déroulera à Katowice, comme l'ensemble de l'Euro, c'est en Pologne. La salle sera donc exclusivement remplie de Polonais venus soutenir leur équipe, une situation pas idéale pour les Italiens qui devront se battre. On a donc le classement des Bleus à l'Euro de Waterpolo. Éliminés en quart de finale face à l'Italie, les Français ont donc chuté samedi face à la Grèce 10-8 et finissent en conséquence 6e. Cet Euro restera mémorable pour les Bleus avec une incroyable victoire 10-9 face au double champion olympique de la Serbie et une place dans les quarts de finale, une première depuis 1958. Du côté de l'Euro masculin de basket, la France est hier passée très très près de l'élimination lors des 8e de finale face à la Turquie, 87-86 après prolongation. En quart de finale, la France combattra face au vainqueur du match Italie-Serbie ce dimanche à 18h. Donc, parlons de l'US Open aussi, c'est l'événement d'hier soir en battant Ons Jabeur 6-2-7-6. La Polonaise Iga Świątek a assis samedi son statut de numéro 1 mondial en remportant l'US Open, son second titre du Grand Chelem de l'année après Roland Garros. Maintenant, je vais vous parler du mondial de rugby à 7. On commence par les bonnes nouvelles qui se trouvent du côté féminin. Les Françaises accèdent aux deux demi-finales de la Coupe du Monde en prenant le dessus sur les Fidji à la dernière minute. Pour finir sur un score de 19-14, elles vont faire face à la Nouvelle-Zélande ce dimanche à 12h07 pour accéder à la finale. Du côté des hommes, fin de parcours pour les Bleus. L'équipe de France masculine a chuté samedi en quart de finale contre l'Australie. 14-5, les Bleus jouent en ce moment même un match de classement contre les Samoa pour essayer d'acquérir leur 6e place, et en ce moment le score est de 24-17, nous sommes à la 14e minute. Et je voulais aussi vous parler de hockey sur glace. Sergi Pontoise entame sa saison sur une victoire. Les Verts et Rouges ont survolé la rencontre 4-2 contre Chamonix. Très bien, coucou William donc du coup. Ouais, coucou William, effectivement. Et Sergi quoi? Sergi Pontoise. Ça, tu vois les faux parisiens. Oui. Non mais les. Je cherchais le gentilé. Les Sergi. Les Sergi quoi? Alors, je pense que ça doit être pontoisien. Mais pour non, les habitants. Sergi Pontin. Attends. C'est Sergi Pontin. Ah, il y a pas de gentilé juste pour Sergi. Non, oui, quand j'ai envoyé le truc comme quoi ils avaient gagné à William, j'ai mis badass les Sergi Pontoisiens, il m'a repris, il a dit Sergi Pontin. Ah oui, il y a Sergi Pontin. Et si, il y en a qui n'habitent que à Sergi, c'est les Sergi Sois. Ok. Voilà. On en apprend des trucs, décidément, dans la case du week-end. Pas moins bête ce soir, mais oui. Bah oui, c'est bah, après, si. Elles ont appris. Après ce soir. Dès ce soir, on a le temps de tout oublier. Ouais, c'est ça. Bref, Enzo, on te rend notre émission. Enfin, ton émission, du coup. Oui, pas de problème, c'est très bien, on apprend plein de choses, ça me va totalement, pas d'inquiétude. Voilà. On passe au classique musical, si vous voulez. Allez. Oui. Et allez. Tu auras 5 secondes pour me dire de quoi nous parlerons dans les actus des médias. Non, ça va faire le classique fois, de la classe du week-end. Merde, putain, je parlais sur le jingle. Vas-y. Quoi que je le dise, on parlera des Miss France de Sylvie Tellier, de Cindy Fabre et d'Alexia Laroche-Houbert. Très bien, après ce classique musical des Rolling Stones. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes. Then I realize that she's really gone for good. about love. Mm-hmm. And getting on a motorbike, looking really ladylike. Didn't she just give me a wave? Mm-hmm. Salty tears. It's 3 in the afternoon. How she disappeared. Allô? Il y a un blanc. Allô? Est-ce qu'on nous entend à l'antenne, nous? Peut-être. Je sais pas si on nous entend. Bonjour, merci d'être avec nous. Excusez-moi pour ce mini blanc. Nous venons d'écouter les Rolling Stones avec Anybody Seen My Baby. Et en effet, on vous entendait à l'antenne. Merci d'avoir comblé. Voilà. Non, bah, du coup, on a comblé en disant juste, est-ce qu'on nous entend? Moi, il n'y a pas eu de blanc. C'est pratique. On y va? Alors, ce ne sont pas les actus des médias qui arrivent dans un instant, mais les sorties cinéma tout de suite. Les sorties cinéma. Alors, j'ai bien fait de prendre mon temps, parce que sinon j'aurais lancé le jingle des actus des médias. Alors, les sorties cinéma de ce mercredi 14 septembre 2022, on a déjà parlé de plusieurs films en début d'émission. Voici désormais Coup de théâtre, une comédie policière américano-britannique réalisée par Tom George, raconte l'histoire qui se déroule dans les années 50 à Londres, où un producteur américain désespéré tente d'adapter une pièce de théâtre très populaire jouée à West End, le quartier regroupant la plupart des théâtres londoniens, mais la plupart des membres de son équipe se font assassiner les uns après les autres. L'enquête est confiée à Stoppard, un inspecteur fatigué et blasé. Et puis en plus, il est accompagné d'une recrue trop zélée, Constable Stalker, voilà, qui va sûrement le stalker en continu. Autre film, Citoyen d'honneur, c'est une comédie dramatique française réalisée par Mohamed Hamidi, adaptation du film argentin du même nom, sorti en 2016 et réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat. Le film est avec Kad Merad notamment, et il raconte l'histoire de Samir Amin, un écrivain comblé, pardon, prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites pour aller en Algérie, jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait citoyen d'honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revoir les habitants de la ville où il a grandi? Que sont-ils devenus d'année en année? C'est la question qu'il se pose dans ce film Citoyen d'honneur. C'est en salle dès ce mercredi. Et on termine avec À propos de Jean, un film franco-germano-irlandais réalisé et coécrit d'ailleurs par Laurent Larivière, film qui est en sélection officielle de la Berlinale 2022, avec Isabelle Huppert, qui a reçu un ours d'honneur pour l'ensemble de sa carrière là-bas. Le film raconte l'histoire de Joan Vera, qui a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. Mais lorsque son premier amour revient sans prévenir après de nombreuses années d'absence, eh bien, elle décide de ne pas lui avouer qu'ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l'occasion pour elle de revisiter sa vie, sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa relation à son fils. Une vie comblée en apparence, mais qui cache un secret auquel elle va devoir faire face. Alors déjà, dès que ça commence mal, hein, quand je vois, elle décide de ne pas lui avouer qu'ils ont eu un fils ensemble, clairement, c'est le début du drame. Voilà. Le film, il est avec Isabelle Huppert, donc, avec Lars Edinger, Swan Harlow et Freya Mavor, réalisé par Laurent Larivière et coécrit par Laurent Larivière et François Descotes. C'est en salle dès ce mercredi, durée 101 minutes. Voilà pour ces sorties cinéma. On passe aux actus des médias. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Et c'est avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors avant de reprendre les médias, je voudrais revenir sur les sports. Tout à l'heure, je vous parlais du match France-Samosa en rugby à 7 pour se disputer les places entre la 5e et la 8e pour ceux qui sont exclus des phases de finale. Et du coup, la France a gagné face au Samosa 24-17. Du coup, les Français affronteront l'Argentine tout à l'heure à 18h37 pour tenter d'acquérir la 5e place. Ouais. Preuve que c'est du direct, hein. J'ai envie de dire. Oui. Et bref, du coup, passons aux médias. Je vais vous parler de Miss France. Alors, côté bleu, vous pouvez vous dire, mais attendez, mais pourquoi il nous parle de Miss France, celui-là, il n'y a rien d'exceptionnel, etc. La Miss France, faut quand même noter que c'est l'un des plus gros divertissements suivis à la télévision française. En général, c'est la deuxième plus grosse audience dans le domaine des divertissements sur l'année. Deuxième derrière le concert des Enfoirés. Et l'actualité autour des Miss France, c'est que le 30 août 2022, Sylvie Tellier quitte l'organisation Miss France, remplacée par Miss France 2015, Cindy Fabre, qui devient donc directrice de la société Miss France. Et c'est un départ qui se fait sur fond de rumeurs, de divergences entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, productrice du spectacle, autour de questions notamment l'âge des candidates, l'âge limite ayant été aboli, autour de la possibilité d'être mère de famille, on a vu des candidates qui ont été mères de famille, et aussi autour de télé-réalité, car Alexia Laroche-Joubert comptait faire une télé-réalité autour de Miss France. Il y a un démenti des deux autour de ce clash, mais du coup, voilà, de ce qu'on pouvait dire de ce changement à hauteur d'un choix aussi important. D'un côté, quelqu'un de plutôt conservateur, de l'autre, Alexia Laroche-Joubert qui est plus progressiste. Et du coup, à noter aussi dans l'actualité des Miss France, il y a une rumeur qui dirait que Jean-Pierre Foucault, ce serait sa dernière édition de Miss France. Il n'a pas démenti, mais il a dit que c'est un contrat à l'année. Du coup, il ne pouvait pas savoir. Et j'ai eu l'idée de vous parler des Miss France, car tout à l'heure, dans C'est Médiatique, à 13h30, sur la première grosse interview de Cindy Fabre et Alexia Laroche-Joubert. Et dans C'est Médiatique, vous trouverez aussi Marc-Olivier Fogel pour parler du décès de la reine Elisabeth II. Je crois qu'on a fait la promo de C'est Médiatique, là. Ouais. J'attends le chèque, vraiment. Ben, je vous dis pas, on va recevoir Mélanie la semaine prochaine. Je lui dis, Mélanie, tu viens. Allez, chiche. On va discuter. Il y a intérêt, hein. Chiche. Là, maintenant, t'as dit ça, c'est enregistré. Ah, mais attendez, je vais vous révéler quelque chose. On a encore un tout petit peu de temps. et j'ai envoyé une demande d'invitation. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.